Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Olivier Dubois. Votre nom de famille, c'est Dubois? Oui, et mon prénom, c'est Olivier. Vous habitez où? J'habite à Paris. Quelle est votre adresse? J'habite 5, rue des Perles. Et le code postal, s'il vous plaît? 75 005.